va bosser. Le sang qui lui tord le ventre l'a fait pleurer. Il est 8h11, le bus va pas tarder. C'est un mariage tous les matins avec la machine à machin. La journée viendra divorcer sur les coups de 5h passées. Le soir en carourade, je suis au 5 depuis une heure et ma suscasse et puis ma peur. Et toi qui pétilles, nous dînerons comme d'habitude avec Chiquel. Nous lui donnerons du fromage puisqu'il s'assoit à table et puis un verre de vin rouge, du sang libanais au rabais. Puisqu'il nous reste 4 heures devant nous, si t'es pas trop fatigué, on fera l'amour. Car ton orgasme, mon ouvrière, le lendemain, il faut marner. Et la radio couche avec nous, de ton côté, toi, tu préfères. On écoutera José Inter, il y passe des chanteurs super. Oh, Boubouni, tu dors? Boubouni, tu dors? Moi? Pas encore. Dans cette maison, y a pas de place, c'est un boxon perpétuité. Il traîne par terre les ouvre-boîtes, je continue de te regarder. Dormir. Et puis je te ferai 5 gosses par chat interposé peut-être, mais je tiendrai ma promesse. On gardera tous les tigrés. Et le matin, quand j'ouvre les yeux, plus tard que toi, quand je m'éveille, t'es bien parti, on a moins de deux. Et un petit mot, et puis de l'oseille. Boubouni, tu dors? Moi? Pas encore. Boubouni, tu dors? Merci.